Alors, dans les dunes derrière le Grand Pavois, il y avait la rue de Jean Blou. Au départ, elle s'appelait la rue de Jean Blou prolongée. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que Jean Blou. Vous savez ce que c'est que Jean Blou? C'est une bataille de la guerre 40. Une des rares qui a été gagnée par l'armée française. Voilà. Moi, je l'ai su il n'y a pas très très longtemps de ça. On me l'a expliqué, mais avant, je ne savais pas. Et puis. Alors, donc, j'en étais où? Ben oui, ma jeunesse de grand adolescent, ben, c'était les copains, les dunes. Alors, on avait des ennemis jurés, c'était les Rosandaliens. Parce que là, c'était la guerre avec les Malouins et les Rosandaliens. Alors, on avait un dicton, c'était « À bas les roseaux, ce sont des salauds. »« À bas les roseaux, ce sont des salauds. » Et alors, moi, j'étais bien en cours, parce que mon beau-père était gardien-chef à la prison de Dunkerque. Donc, les voyous de Rosendal, qui est le pays de naissance et d'habitat de mon épouse, ils savaient qui elle était, parce que tout se sait toujours dans les blaines. Donc, elle était fort bien en cour, il n'y aurait pas touché un cheveu de sa tête, de crainte d'avoir des embrouilles avec le papa, mon beau-père, qui à l'époque n'était pas encore. Mais ça, c'était très bien. Alors, dans les dunes, il y avait des blockhaus, forcément. Et dans les blockhaus, il y avait des célèbres clodos. Il y en avait toute une bande, on les appelait les Sœurs Étienne. En mémoire des chanteuses, les Sœurs Étienne, c'était des chanteuses. Et nous, on allait les taquiner en jetant des cailloux sur le blockhaus. Et on se faisait courir derrière. Jusque dans Malo, quelquefois, qui nous poursuivait. Enfin, voilà. C'était pas des voyous, mais pas loin de tout ça. Alors moi, j'ai jamais eu d'ennui avec les Rosandaliens. Encore par la naissance de ma femme qui est de Rosendal et parce que son père, à elle, donc, il était gardien-chef à l'atoll de Dunkerque. Donc ça protégeait un peu le. Non, mais c'est ce que je dis là, c'est authentique. Hein. Je vous le dis parce que c'est ainsi. Et les gens qui avaient un peu de blé, ben, ils louaient un transat. Ils louaient un transat. Ou ils louaient une tente. Et puis ceux qui étaient d'un milieu plus aisé, ben, ils avaient un kiosque. Les cabines de bain. Ça s'appelait un kiosque chez nous. Et le kiosque, on l'avait de famille. On l'avait toute une vie. C'était pas en location comme maintenant. Donc, ben on était là et puis on faisait le singe dans les kiosques. Alors, quand on était un peu trop remarqué, on émigrait. Alors, moi, le kiosque de famille, il était 4 digues de mer. Ça, c'était la rue de Flandre en allant vers le poste de police. C'était 3-4 kiosques là. Et de famille, c'était au tonton qui était architecte, donc il n'a pas eu de mal à avoir un kiosque. Et donc, ben voilà, on y était bien. Et quand on faisait un peu trop le Jacques, qu'on était remarqué, on allait chez des copains qui en avaient un de famille un peu plus loin. Donc voilà, ça c'était comme ça. Et alors parfois, ça me revient en tête. La nuit, peut-être de rêver de ça, de l'enfance, de la jeunesse et de cette vie-là. Et ben oui, c'est bien sympathique de se remémorer tout ça. Alors, dans ces kiosques-là, on y passait l'été, et même s'il faisait pas beau, ben, on était à l'abri de la pluie et des intempéries, qu'il y a peut-être plus souvent qu'ailleurs, les intempéries. Et. On y était bien. On y était bien. Ouais, c'était très, très, très, très chouette.